rap c'est pas des récits. Mon rap c'est le reflet de ce que je vois, de ce que je vis. Mon rap est trop vrai et trop pur. La vérité se fissure à travers l'écriture. Mon rap est authentique, il fout la panique. Mon rap est toujours signé d'une tulipe. Mon rap sort du plus profond de moi-même. Il fait surgir ma haine et éponge ma peine. Mon rap est léger comme une plume, mais laisse l'impact d'une enclume. Mon rap fait flipper les faux, fait kiffer les cons, mais mon sang boite comme des Legos. Mon rap est un art où j'excelle, il porte du XXL. Mon rap est excellent. Mon rap est un art où j'excelle, 30 millions de pixels. Mon rap est exténuant. Le rap a changé ma vie, quand ça va pas j'écris, histoire de faire le tri. C'est mieux plonger dans l'oubli, se dire que c'est la vie, je ne suis qu'un MC. Je rappe le jour et la nuit, dehors même sous la pluie, le son c'est toute ma vie. Je suis trop souvent incompris, je ne parle plus, je crie, alors que certains prient. Mon rap touche toujours en plein cœur, la rumeur dit que ma plume, elle vient du cœur. Mon rap n'a pas de jalousie, et pourtant on veut me voir sombrer, d'ailleurs c'est pour quand. Mon rap fait celui qui n'entend pas, mais au moment opportun, il ne te loupe pas. Mon rap est carré, mes rimes sont à carreau. Mon flow te sèche, te laisse sur le carreau. Mon rap est costaud, à des putains de dorsaux. Mon rap est lourd, et cela depuis le berceau. Mon rap n'a jamais braqué pour du crack. Ils se contentent de mettre des claques, exploser l'audimat. Mon rap n'a pas de religion ni de couleur. Il a assez de tristesse et de douleur. Mon rap n'a pas de préjugés, non. Il se moque de tout, surtout du regard des gens. Le rap a changé ma vie, quand ça va pas j'écris, histoire de faire le tri. C'est mieux plonger dans l'oubli, se dire que c'est la vie, je ne suis qu'un MC. Je rappe le jour et la nuit, dehors même sous la pluie, le son c'est toute ma vie. Je suis trop souvent incompris, je ne parle plus, je crie, alors que certains prient. Le rap a changé ma vie, quand ça va pas j'écris, histoire de faire le tri. C'est me plonger dans l'oubli, se dire que c'est la vie, je ne suis qu'un MC. Je rappe le jour et la nuit, dehors même sous la pluie, le son c'est toute ma vie. Je suis trop souvent incompris, je ne parle plus, je crie, alors que certains prient.